Vous écoutez France Culture. Semaine consacrée à l'histoire des Vikings. Comme nous l'avons fait les années passées pour des grands personnages historiques, nous allons toute la semaine nous approcher de cette réalité historique des Vikings en tentant de dénouer les fils de la légende et de l'histoire, de sortir des histoires de drakkars et de casques à cornes et donc nous approcher de ce qu'était véritablement ce peuple des Vikings. Demain, Perrine Cavran et Véronique Samuilov feront le point dans le documentaire du mardi sur les connaissances que nous avons de la présence viking en Normandie. Mercredi, grâce à des textes médiévaux, l'émission d'archives abordera la vie quotidienne des Vikings sur leur territoire en Scandinavie. Jeudi, nous nous demanderons comment ils ont conquis d'autres territoires que la Normandie, en particulier la Russie. Et aujourd'hui, eh bien, notre invité est Jean-Marie Levesque, il est conservateur en chef du musée de Normandie à Caen. Il a organisé depuis des années des rencontres et des colloques publics sur ce sujet et va nous expliquer combien il est difficile d'échapper au mythe viking, surtout quand on est en Normandie, c'est surtout quand on manque de matériel archéologique pour expliquer aux visiteurs qui étaient véritablement les Vikings sur ce territoire. Donc on va parler avec lui de réalité historique et archéologique, mais également de mythographie, comment s'est créé le mythe des Vikings, en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle. Jean-Marie Levesque, vous êtes conservateur en chef et directeur de ce musée de Normandie à Caen, où vous nous accueillez. Et on va rejoindre tout de suite, au milieu de tous ces objets, dont certains peuvent penser d'ailleurs, parce que ce sont des objets anciens, on voit des casques en bronze, on voit des épées et des poignards en bronze, ainsi que quelques poteries, qu'il s'agit d'objets qui datent de la période qui nous intéresse, à savoir la période du 9e, 10e siècle, dite période viking. En fait, ça n'est pas du tout le cas. On traverse autre chose. Alors là, c'est effectivement une grande déception qu'on est obligé d'infliger à notre public qui s'attend, dans un musée de Normandie, à commencer l'histoire par les invasions scandinaves et les Vikings. Nous plongeons un peu plus loin, nous passons à la préhistoire, à la période celtique, gallo-romaine, puis à la période franque. Mais pour les Vikings, point, puisque une des caractéristiques de cette période, c'est que sur le plan des découvertes archéologiques, on est réduit à très très peu de choses. Donc là, on a des haches, on a des lances, on a des épées à double tranchant qui pourraient laisser penser que ce sont des épées qui datent de cette période-là, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des francs. Ce sont des francs. Nous sommes plusieurs siècles avant. La fin de la période est marquée quand même par quelques éléments lapidaires qui peuvent provenir de prieuré d'abbaye carolingienne détruite à la période des invasions. Mais ce sont là des conjectures que nous ne pouvons pas appuyer sur des certitudes archéologiques. Vraiment, ce qui est paradoxalement caractéristique des Vikings, c'est leur extraordinaire discrétion sur le plan archéologique. Alors, on arrive justement dans la seule salle de ce musée de Normandie consacré à cette question des Vikings en Normandie. D'ailleurs, il y a un panneau qui s'appelle Vikings en Normandie avec juste à côté une description avec une carte justement des emplacements et des départs de ces fameux Vikings. Une toute petite salle et dont les trois quarts, pourrait-on dire, n'est pas occupée par la question viking. En fait, c'est une sorte de pied de nez à celui qui viendrait de loin pour se dire « je suis à Caen ». Je suis en Normandie, on va me parler des Vikings. Oh, pied de nez, peut-être pas, on peut avoir l'esprit facétieux, mais pas jusqu'à ce point. Il ne s'agit pas d'esquiver la question, il s'agit de la poser dans son contexte, et de rappeler premièrement que la Normandie n'a pas été visitée par les seuls Vikings, qu'on est là dans un espace de l'ouest de l'Europe où toutes les populations, depuis les grandes invasions, sont passées. Et que, évidemment, l'histoire de la Normandie, le nom de la Normandie vient des Normands, donc des Vikings, et bien entendu, le sujet est abordé à travers une documentation qui resitue l'histoire de la région et la formation du duché de Normandie, à travers quelques collections des périodes antérieures, puisque Si la Normandie est concernée par les invasions scandinaves, c'est bien parce qu'elle se situe dans un espace, celui de la Manche et de la mer du Nord, où il y a des échanges bien avant les Vikings entre notamment les deux rives de la Manche. Et là, la présence de Saxons est bien attestée, notamment dans la région de Bayeux et de Caen. Donc quelques objets caractéristiques des populations saxonnes du VIe siècle sont ici représentés. Des petites poteries dans cette vitrine, par exemple. Poteries, bijoux, fibules, qui sont de très belles... Une très belle paire de bractéates qui sont des bijoux typiquement scandinaves. Donc les bractéates, ce sont des pendentifs en forme de monnaie que les Scandinaves, dès le VIe siècle et jusque dans la période viking, vont fabriquer en prenant le modèle des monnaies d'or romaines et en retraitant complètement le décor dans un style tout à fait caractéristique de l'art celtique, d'une part, de l'art scandinave, d'autre part, c'est-à-dire le style des entrelacs, un décor en abstraction. Et ce type de bijoux est tout à fait caractéristique des populations nordiques au sens large entre le VIe et le IXe siècle. Donc on a, à travers ces bijoux, qui proviennent de sites de sépulture, donc... Qui dit sépulture dit implantation, dit présence des populations, on a effectivement des traces de liens entre la Normandie et le monde nordique dès le VIe siècle, voire même avant. Ces liens sont tout à fait compréhensibles, puisque les Vikings, après tout, n'ont fait que reprendre des routes commerciales déjà bien connues et déjà bien balisées. Donc des colons, entre guillemets, on ne peut pas mesurer l'importance de ces populations, mais présence de populations, de cultures saxonnes sur les côtes de la Normandie. Alors la Normandie ne s'appelle pas encore la Normandie, mais on y voit aboutir évidemment au bord de l'océan des populations qui viennent de plus loin encore, de l'est de l'Europe, ici là encore des fibules, là encore des agrafes de toges ou des agrafes de vêtements, donc dorées, cloisonnées avec des pierres. Des pierreries, des pierres précieuses. Et là, ça n'est pas évidemment, là non plus, une trace des Vikings en Normandie. Ce sont des populations qui viennent du centre de l'Europe, c'est ça ? Alors là, on remonte encore un peu plus dans le temps, puisque ici, tout à l'heure, avec les Saxons, on était autour du XVIe siècle. Là, on remonte à la fin de l'Empire romain. Et là, si on peut effectivement caractériser notre présentation d'un petit peu provocatrice sur le thème des invasions, la démonstration est ici de la présence de populations d'origine orientale, repérées dans les cimetières, les sépultures de la plaine de Caen. Ici, on a notamment des bijoux féminins qui proviennent d'une tombe de la... un site qu'on appelle celui de la princesse d'Héran, qui est une tombe de femmes de haut rang trouvée tout à fait à côté de Caen, dans le village de Mou, Héran, c'est le nom de la commune. Et ce sont des bijoux qui donnent des indications sur des relations entre notre région et des populations de culture danubienne. Ces populations, en fait, ont accompagné le mouvement des Huns, et ont été prélevés dans les armées défaites d'Attila et transférés sur le front ouest, ce qui est une pratique courante des Romains, de prélever les populations barbares et de les installer à l'autre bout de l'Empire, dans des endroits où ils n'auront plus de contact avec leur population d'origine, où ils vont être employés à la défense. Et ces populations orientales sont employées sur... une zone frontière qui s'appelle le Litus Saxonicum, la frontière des Saxons. Donc on revient à cette idée d'une Normandie qui est présente sur les zones de contact avec les peuples du Nord, mais à travers des barbares orientaux. Alors donc, vous parlez de facéties d'une certaine façon, puisque cette salle donc, qui s'appelle Vikings en Normandie nous présente des documents et des archives du sol et du sous-sol, donc qui datent de la fin de l'Empire romain, donc de gens qui viennent de l'Europe centrale, venus avec les Huns, de l'autre côté des Saxons, venus de l'autre côté du Channel, de l'autre côté de la Manche, mais qui ne sont pas des Vikings. Et malgré le titre de cette salle, il n'y a pas un seul objet supposé viking. Ça veut dire que la Normandie, vous et d'autres musées comme à Rouen, sont pauvres en témoignages archéologiques concernant cette période pourtant florissante, ou du moins très connue, de cette histoire normande. Oui, l'idée de cette salle n'est pas de jouer seulement la carte de la provocation et de jouer sur l'attente du public et sa déception. Et il y a aussi un travail ici tout à fait sérieux, basé sur les recherches des archéologues, sur cette idée de la formation de ce territoire qui va devenir la Normandie. Et c'est l'idée que ce territoire participe à tous les mouvements qui vont concerner le nord de l'Europe entre la fin de l'Empire romain et la période carolingienne. Évidemment, le mouvement majeur dans cette période-là, en tout cas en ce qui nous concerne les origines de notre région, ce sont les invasions scandinaves. Mais effectivement, les traces archéologiques conservées dans les collections publiques en Normandie de ces invasions sont réduites à quelques épées, quelques morceaux d'épées même, de lances, un ou deux fers de hache qui sont conservés à Rouen au musée des Antiquités, une paire de fibules, donc des broches provenant d'un costume féminin qui ont été découvertes près de Pitre, qui était un pont fortifié sur la Seine, donc qui contrôlait les passages des Vikings, et récemment un petit trésor de pillage, c'est-à-dire ces éléments de métaux précieux que les Vikings récupéraient, découpaient pour les préparer pour les refondre et poser dans des caches. Donc un trésor, enfin un trésor a été découvert en Normandie, mais c'est bien le seul. Mais pas de sépulture ? Aucune sépulture identifiée comme témoignant d'une culture scandinave n'a été découverte. Aucun site d'habitat identifié comme témoignant spécifiquement d'une culture scandinave du 9e siècle n'a été découverte en Normandie. Alors si vous êtes un peu déceptif peut-être par rapport à vos visiteurs ici au musée de Normandie qui se disent mais alors, où sont les Vikings d'une certaine façon, nous le serons aussi pendant toute cette semaine puisque dans la semaine de la Fabrique de l'Histoire nous allons traiter de cette question des Vikings et qu'on a tout de même un peu l'impression que après ce grand moment qu'a été le 19e siècle, et on va parler avec vous justement de toute cette mythographie créée au 19e siècle autour de cette question des Vikings, eh bien on assiste aujourd'hui à un moment, non pas de dégonflement de cette question-là, mais en tout cas de remise à l'équerre, pourrait-on dire, de cette question viking en Normandie, mais également un peu ailleurs, remise à l'équerre avec des travaux archéologiques, des travaux historiques qui rendent ce phénomène peut-être plus modeste qu'on ne l'a dit auparavant. Est-ce que je me trompe, Jean-Marie Levesque ? Les travaux et les recherches ont effectivement beaucoup progressé. C'est un sujet extrêmement important dans l'historiographie médiévale puisque c'est un sujet qui pose des questions passionnantes sur les problèmes d'acculturation. Oui. À l'époque médiévale. Donc pour les auditeurs, l'acculturation, ça signifie la façon dont des populations exogènes ont pu, à un moment ou à un autre, se mêler à une population majoritaire qui était déjà en place. C'était effectivement cette question de... On ne parle plus en termes d'invasion barbare, on ne parle plus de concepts de cette nature. Les contacts avec les populations exogènes sont en général progressifs, avec des étapes bien marquées, et elles aboutissent, en tout cas dans deux bons exemples pour les Scandinaves, en Normandie et en Russie, à la création de nouvelles entités politiques, duché de Normandie d'un côté, et par exemple les États russes médiévaux en Russie, mais à travers des échanges culturels autant que des échanges militaires, puisque il ne faut pas non plus basculer dans l'excès inverse, nous sommes quand même en présence de populations guerrières. Alors, pour justement remonter à une des sources de l'historiographie, cette source du 19e siècle, vous avez été donc poussé à mettre ici, dans cette salle sur les Vikings, au musée de Normandie, Jean-Marie Levesque, à mettre un tableau de la fin du 19e siècle, de 1880-1881, de Henri-Georges Charrier, un de ses nombreux tableaux qui ensuite ont été reproduits en gravure dans nos livres de classe ou dans d'autres étiquettes et autres petites représentations donc graphiques qui ont circulé partout dans la société française entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Donc ça s'intitule « Les Normands revenant du pillage » et là on est dans la représentation rêvée, cauchemardesque, je ne sais, du 19e siècle vis-à-vis de ces Normands et de ces Vikings. Oui, si les Normands ne sont pas dans l'archéologie, les Vikings ne sont pas dans l'archéologie, il faut bien qu'ils soient quelque part. Et donc, il y a une volonté d'écrire cette histoire qui, est, qui, qui est une histoire fondamentale, notamment en ce qui concerne le duché de Normandie, puisque Normandie, c'est les Normands, c'est bien l'origine de la région qui s'inscrit ici. Donc il faut lui trouver une illustration. On ne dispose pas des moyens de l'archéologie. Alors là, on va laisser libre cours à l'imagination. Et donc là, le 19e siècle nous propose, à travers cette toile de Henri-Georges Charrier, 1880, donc des drakkars, même si aujourd'hui on dit que ça ne s'appelle pas des drakkars, qui sont donc arrivés sur la Grève, dans une de ces petites anses de la côte normande, et puis descendant de la colline sur cette plage caillouteuse, eh bien on trouve donc des personnages habillés de différentes manières. On ne sait pas très bien où il a pris sa documentation. On y voit une chasse, évidemment, d'un saint local qui est emmené par ces Normands dans un pillage, une jeune femme habillée d'une robe qui descend jusqu'aux pieds de couleur bleu turquoise, et puis la tête d'un évêque au bout d'une pique, donc brandie par ses conquérants d'un jour. Donc là, on a véritablement une sorte de ramassé, pourrait-on dire, Jean-Marie Levesque, une sorte de ramassé de l'idéologie, de la représentation de ces Normands vikings, disons à la fin du 19e siècle. Alors là, on a effectivement une synthèse du plus excessif dans la représentation du mythe viking. C'est la flotte, c'est le pillage, on voit la ville qui brûle au loin, on voit les guerriers qui ramènent la captive, le butin et la tête de l'évêque empalée sur une lance. Le peintre connaît un petit peu son sujet puisqu'il a choisi pour habiller ses guerriers des tenues qui viennent sans doute d'une interprétation de la tapisserie de Bayeux. Voilà. Mais pour ce qui est des bateaux, il a préféré rester dans le domaine du rêve en nous montrant des nefs à tête de dragon, tête de cheval, tête de monstre marin qui ne tiennent aucun compte des leçons de l'archéologie, alors qu'on est dans une période où il aurait pu déjà se renseigner sur les découvertes de sépultures à bateaux de Gokstad ou de Husberg, par exemple. C'est assez extraordinaire de voir surgir comme cela d'une documentation, vous qui êtes spécialiste de cette histoire, Jean-Marie Leves, de voir surgir un imaginaire en aussi peu de temps, parce qu'on peut dire que on va remonter dans votre bureau pour feuilleter quelques documents, et en particulier des documents du 19e siècle issus des histoires d'Augustin Thierry. On peut dire qu'en 50 ans à peine, eh bien, on voit là se cristalliser, se figer une imagerie qui va nourrir l'imaginaire jusqu'à Astérix dans les années 1960, par exemple. Alors oui, c'est effectivement un catalogue de poncifs iconographiques qui vont être sans cesse répétés et contre lesquels les archéologues ont bien du mal à lutter. Je me demande si quelque part on n'a pas fini par renoncer, puisque la puissance de l'imagination est ce qu'elle est. Mais il y a un long travail de préparation pour aboutir à ce type d'imagerie. Déjà dans le travail qui est fait autour des cours royal de Suède, de Danemark au XVIIe, au XVIIIe siècle, dans le mouvement romantique au XIXe siècle, à travers la littérature, mais aussi à travers des recensements de sources historiques et archéologiques, on prépare et on compile toute cette matière qui va vraiment être totalement réinvestie au XIXe siècle dans cette volonté de construire pour chaque nation, pour chaque région, une histoire qui lui soit propre, des ancêtres qui soient les plus présentables, les plus héroïques possibles. Alors là, les Vikings, en termes d'ancêtres héroïques, ça se pose là. Donc on va quitter cette petite salle du musée de Normandie consacrée à cette question viking en Normandie. Est-ce que vous avez des remarques de vos visiteurs qui vous disent il n'y en a pas assez, on est surpris, ou est-ce que vous n'entendez jamais ce type de remarques, Jean-Marie Levesque? Bien, les visiteurs, effectivement, se posent souvent la question de savoir ou d'avoir des informations sur les Vikings. Et nous sommes obligés de les confronter à une certaine frustration. Et on ne peut pas faire aujourd'hui une conférence d'histoire ou d'archéologie sur le sujet sans que la question soit sans cesse reposée. Mais sommes-nous bien les descendants des Vikings? Qu'est-ce qui reste en nous aujourd'hui, normands, de cette ascendance viking? Le mythe reste puissant. Vivace. vivace. Mais on le constate toujours, toute exposition qui traite le sujet est toujours une exposition qui attire, qui fait un succès tout à fait important. La séduction du sujet est toujours là. Est toujours un peu fondée, et on va en discuter dans votre bureau, Jean-Marie Levesque, fondée sur une sorte de malentendu, d'une certaine façon. Il nous appartient d'y dissiper le malentendu, c'est là qu'est notre travail. Nous mettons là à l'épreuve du carcan. Je vais aller regarder cet esclave, ce moment. Reste là. Tu verras une chose plus intéressante. Ça a l'air en effet d'un jeu intéressant. Mais c'est pas un jeu. C'est l'épreuve d'Odin pour les épouses infidèles. Et c'est une épouse infidèle? Interrogez-la. C'est son mari qui le dit. Lequel est-ce? Celui qui lance les haches. Mais si elle est innocente? Alors son mari tranchera ses nattes blondes sans la blesser. Supposons qu'il manque son but et qu'il la tue. C'est qu'elle est coupable. Mais qu'arrivera-t-il s'il manque à la fois les nattes et la fille? S'il les manque trois fois, on le noie. Jean-Marie Levesque, nous voici arrivés dans votre bureau après avoir entendu justement ce petit extrait des Vikings, une des représentations les plus célèbres justement des Vikings, parce qu'elle a été donc très vue au cinéma à la fin des années 50, un film produit par Kirk Douglas et voulu par Kirk Douglas, un des films dont on peut dire qu'il l'avait peut-être par rapport à bien d'autres, et en particulier à son prédécesseur, celui de Roger Corman, ce spécialiste du cinéma B, qui avait fait l'année précédente Viking Woman, donc un peu plus de biscuits archéologiques à sa disposition que d'autres qui ont beaucoup rêvé autour de cette histoire viking. Et c'est de cela dont on va parler pour continuer cette émission d'ouverture de notre série, de la Fabrique de l'Histoire, de ces représentations multiples dont on a quelques exemples, en particulier des exemples graphiques dans votre bureau, ici même, au musée de Normandie. Des représentations qui remontent pour beaucoup d'entre elles au 19e siècle. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe autour de cette période romantique ? Je vois ici un livre de prix de la fin du 19e, mais qui reprend une imagerie qui remonte justement au milieu du 19e et à Augustin Thierry, donc sur la conquête de l'Angleterre par les Normands. Qu'est-ce qui se passe pour que cette cause normande, cette histoire normande, ces hommes en côte de maille, mais surtout ces bateaux fièrement dressés sur la houle, soient aussi nombreux, aussi représentés? Qu'est-ce qui se trame de ce côté-là? Alors, beaucoup de choses, et des choses qui viennent de loin. Il y a, dès le 16e siècle, 16e, 17e siècle, dans les pays scandinaves, en Suède ou au Danemark, un mouvement initié par les monarchies d'intérêt pour l'histoire nationale. Donc on commence à rééditer des chroniques anciennes, mmh, et on commence à collecter les témoignages du passé, relever les écritures runiques, rassembler les manuscrits islandais, qui sont ramenés d'ailleurs au Danemark au XVIIe siècle, et composer autour des Vikings tout un corpus de connaissances qui a pour fonction de construire pour ces monarchies, qui sont au XVIe et XVIIe siècle en pleine ascension, construire des origines, mmh, qui soient dignes de l'Antiquité gréco-romaine. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, XVIIe, XVIIIe, dans le nord de l'Europe, eh bien on voit arriver, disons, un corpus de représentations possibles, donc des figures, des types de représentations qui ensuite vont se répandre. Par quels moyens, d'ailleurs, vont-elles se répandre, ces représentations, dans le reste de l'Europe, Jean-Marie Levesque ? L'essentiel de ces représentations est fondé autour de la collecte des éléments de la mythologie. Mmh. Et donc, ce mouvement donne lieu à des publications, à des textes, des ouvrages qui sont des traductions, notamment de l'Edda, et à des premières écritures, des poèmes, des récits, des pièces de théâtre qui s'emparent de ces sujets, de l'histoire des premiers rois danois notamment, et qui commencent à répandre toute une imagerie qui va être profondément réutilisée par les poètes à l'époque romantique. Ce serait une deuxième étape de ce mouvement, c'est le romantisme, le début du XIXe siècle, où là, le contexte est différent pour les monarchies scandinaves, puisqu'elles sont dans une phase de déclin, et s'organisent pour redorer le blason national, si je puis dire, des groupes d'étudiants, comme la Ligue gothique, par exemple, qui se donnent pour objectif de retrouver les vertus des anciens héros du Nord. Et puis, il faut dire que des souverains, non pas du Nord, mais du centre de l'Europe, ne sont pas insensibles à cette mythologie telle qu'elle s'est développée, telle qu'elle s'est propagée dans ces royaumes scandinaves au XVIIe, XVIIIe siècle. Napoléon en fait partie, l'océanisme, le rêve des brumes du Nord, la décoration de la Malmaison, par exemple, qui a quelque chose à voir avec cette rêverie nordique, et eh bien tout cela participe d'une sorte de popularisation par l'intermédiaire justement d'un souverain comme Napoléon de ce type de thèmes qui seront repris ensuite, ces thèmes, par des poètes, des écrivains, des graphistes et des historiens français du début du XIXe siècle. Oui, il y a effectivement un mouvement exactement parallèle à celui de la renaissance de l'intérêt pour les origines nordiques dans les monarchies scandinaves, c'est la celtomanie. Mmh. Et donc la construction autour d'un personnage tout à fait mythique, le barde Ossian, la publication par un écrivain anglais, James Macpherson, à la fin du XVIIIe siècle, d'un recueil de textes tout à fait apocryphes, mais qui lance cette image des brumes du Nord, des bardes esthétiques. Donc, c'est un mouvement qui concerne la France, qui concerne l'Angleterre, qui concerne les pays scandinaves. Et effectivement, on peut voir à la Malmaison ce tableau absolument spectaculaire qui représente les généraux de l'Empire reçus au milieu des guerriers dans le paradis d'Odin. Donc ouais. C'est l'acmé de ces représentations, et de cette vision très héroïsée du guerrier, pur et parfait, tout dans la force héroïque, mais aussi une autre dimension qui vient de la philosophie des Lumières, qui vient de Montesquieu, qui est l'idéal du Nord comme la source de la liberté en Europe. Ce sont les propos même de Montesquieu, qui reprend cette idée d'un Nord qui est terreau de la liberté, en faisant une étude de la société guerrière, de la façon, en opposition à l'absolutisme, de la façon dont les aristocraties guerrières se gouvernent elles-mêmes, se choisissent leur roi, se donnent leurs lois et, nourries par la rudesse du climat, se dotent de vertus tout à fait parfaite et de cette manière civilisatrice. Donc on voit bien les textes, on voit quelques images qui commencent à naître, mais ce qui nous intéresse d'une certaine façon, c'est comment ces images qui ont donc frappé nos pupilles lorsqu'on était enfant ont été forgées. Ces images dont on a un exemple en bas, on a entendu donc parler de ce tableau qu'on a décrit tout à l'heure avec vous, Jean-Marie Levesque, dans votre musée de Normandie, mais qui sont beaucoup plus nombreuses encore dans les représentations de livres de classe comme celui que nous avons sous les yeux, ou encore de livres donc qui circulent au XIXe siècle. Comment se forge ce corpus d'images nombreux, donc avec ces images qui viennent des drakkars supposés arrivant devant Paris, ou encore de Rollon, donc à qui on donne le duché de Normandie, de ces pillages nombreux dans les monastères. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se met en place? Oui, effectivement, il faut parler de notre enfance, puisque peut-être que certains de nos auditeurs se rappellent des tableaux de la leçon d'histoire à l'école où on voit la scène des Normands attaquant Paris. Il faut qu'ils aient plus de 50 ans pour ça. c'est notre cas, nous deux, mais peut-être qu'en dessous, ils ne l'ont pas vu, ça. Alors, on va leur raconter. Ces scènes sont effectivement ce qui donne en quelque sorte aux Normands leur chance dans l'histoire de France, c'est qu'ils y ont une place tout à fait indiquée. Ils sont les représentants de ces barbares qui ont mis en péril Paris, la capitale. Ils ont attaqué Paris, ils ont fait le siège de Paris. Donc ils donnent l'occasion à la monarchie capétienne de se distinguer dans sa résistance aux invasions. Et ils donnent l'occasion à Paris de devenir une capitale aussi. Beaucoup disent, tout compte fait, c'est à ce moment-là que Paris devient Paris et que, tout compte fait, Paris devient la capitale de ce qui va devenir le royaume de France. En tout cas, c'est dans cette vision mythique que les Normands sont installés comme ayant menacé le cœur du royaume, puis, dans un même temps, ayant accepté de se soumettre à la civilisation et devenant par la suite les exemples les plus parfaits des chevaliers chrétiens qui sont les ducs de Normandie. Alors là, il faut citer deux ou trois noms d'historiens. Il faut citer celui d'Augustin Thierry, dont on a donc en main ici le très beau livre de prix, donc évidemment rouge et or, comme tous les livres de prix de ces années-là, publié à Limoges chez Eugène Ardan et compagnie, donc l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Mais on pourrait citer aussi un autre historien du 19e siècle, dont on n'a pas un exemple ici, mais on pourrait citer Henri Martin, par exemple, qui joue un grand rôle dans la popularisation aussi de l'image des Normands dans l'histoire de France. Tous ces gens-là se mettent à écrire en 10, 20 ou 30 ans tout ce qui sera ensuite le support à nos représentations mentales sur les Vikings. Oui, Augustin Thierry, c'est le 1825, la publication des premiers volumes, et c'est sans cesse réédité. L'auteur tient en quelque sorte une clé de l'histoire de l'Europe, c'est cette notion de l'histoire expliquée par les affrontements entre les peuples, ce qu'on a appelé la guerre des races, en l'occurrence ici les Scandinaves contre les Francs, dans le cas de l'Angleterre, les Normands contre les Anglo-Saxons. Et c'est une explication de l'histoire par un mouvement de conflit entre les peuples, soumission des uns, conquête par les autres. Le travail d'Augustin Thierry est un travail d'une très grande érudition. Il rassemble tous les éléments de connaissance qu'on peut avoir à travers les différentes chroniques sur l'histoire des Normands. Et c'est un ouvrage d'historien tout à fait positif, au sens de l'histoire de cette époque, très scientifique, qui est publié avec les pièces justificatives, les traductions des sources. C'est un travail épuisant, on dit même qu'il est quasiment mort à la tâche. Et il fournit toute une matière scientifique tout à fait sûre et valable, basée sur cette histoire du conflit entre les peuples, qui va rester quand même ce à quoi on s'attache le plus dans les représentations mythiques, et d'où va naître l'idée chez certains aristocrates normands, par exemple, de constituer autour d'une association comme le Souvenir Normand, qui naît à la fin du XIXe siècle, constituer un rassemblement de tous les peuples d'Europe qui ont pour origine des Normands. Et c'est autour de ces organisations et de ces associations qui interviennent un peu en parallèle au travail des historiens, que se crée ce mouvement de régionalistes qui va aboutir aux fêtes du millénaire de la Normandie. En 1911. 1911, c'est le grand moment du régionalisme normand. Ce sont les fêtes du millénaire. Elles ont été voulues par des journalistes du journal de Rouen. Les sociétés savantes s'y sont associées. Tout ce que le monde compte de savants et d'historiens participe à ces journées, mais aussi le grand public, puisque l'apothéose de ces fêtes, ce sont des grands défilés historiques dans les rues de Rouen, où on parade déguisé dans les costumes des Vikings, mais aussi de tous les personnages de l'histoire de la Normandie. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit donc une région progressivement récupérer cette histoire, la mettre en avant, la hisser sur le pavois, une région où il est quand même compliqué de s'associer à ces qualificatifs qu'on donne généralement à ces Vikings. On les appelle barbares, on les appelle brigands, on les appelle pillards, on les appelle pirates. Tout un tas de termes qui, évidemment, sont plutôt des termes qui dévalorisent ces Vikings. Et néanmoins, on va finir par s'y associer quand on est normand. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à la fois la bravoure d'un côté, mais en même temps, ce sont des voleurs, ce sont des pillards, ce sont des massacreurs, ce sont des gens qui brûlent les villes et qui brûlent les monastères. Et malgré tout, on s'y associe. Mais en réalité, les turiféraires de ce mythe normand ne font rien d'autre que reprendre l'organisation du premier la première chronique sur l'histoire des ducs de Normandie, celle de Dudon de Saint-Quentin, donc qui écrit au Xe siècle pour le compte des ducs de Normandie et qui raconte cette histoire des Normands avec ce souci, justement, de pouvoir expliquer comment les pirates païens deviennent des chevaliers chrétiens idéaux. Mmh. Et donc, il organise sa chronique en trois temps. On a le premier temps, qui est celui des pillages et des dévastations, qui est incarné par un personnage qui s'appelle Hastings. Mmh. Donc lui, c'est la brute absolue qui pille le monastère, qui égorge, qui tue. Le deuxième temps, c'est Roland, mmh. le duc qui accepte le baptême, qui accepte l'intégration, qui est aussi un prince législateur. Donc on retrouve cette idée de l'assimilation à la société franque. Et le troisième temps, c'est Guillaume Longuepé, le fils de Roland, qui est assassiné et dont la mort est décrite comme un quasi-martyr chrétien. Donc la question a été réglée dès les chroniques du Xe siècle de pouvoir à la fois revendiquer des origines héroïques, guerrières, une espèce de virilité idéale incarnée par le meurtre, connue aussi par le viol. Hein. Le viking viole beaucoup. Les écrivains régionalistes adorent ces scènes où l'espèce de virilité caricaturale est mise en scène. Devient, par la grâce du baptême, par les vertus également, qui sont celles qui leur sont attribuées, ces vertus de liberté, d'idéal, deviennent des personnages qui peuvent incarner toutes les valeurs d'une région. Il faut préciser que ce travail-là ne se construit absolument pas en opposition au nationalisme ou au patriotisme français. Ce n'est pas du tout un régionalisme qui s'exprimerait comme en dehors de la nation. C'est bien au contraire, notamment dans le cadre des fêtes du millénaire, le président de la République lui-même qui est là et qui inaugure ces fêtes, qui participe à ces fêtes. Et on est dans un contexte, dans ce fin du 19e, début du 20e siècle, où... Il n'y a pas d'opposition entre la valorisation de la petite patrie, comme le dit Jean-François Chanet, par exemple, historien de l'école en particulier, et la grande nation. Absolument. Trouver dans chaque région ces grands personnages, ces heures de gloire, c'est contribuer à un patriotisme plus large. Et les Normands ont toute leur place dans ce dispositif. Alors là, il y a donc toute une littérature très nombreuse, qui, en particulier une littérature d'aventure, qui se greffe sur ces travaux des historiens, Augustin Thierry, Henri Martin ou d'autres, ou même Michelet, qui avait raconté la fable des loups, qui a été très reprise dans des manuels du XXe siècle. On a toute une littérature. Par exemple, vous avez ici un autre livre qui devait être un livre de prix, qui s'appelle « Les rois de mer », par Léon Quin, à la librairie Félix Juven à Paris. C'est la fin du XIXe siècle, là aussi. On y raconte, là aussi, la brutalité, la dureté de ces guerriers vikings. Mais l'idéal, oui. Mais aussi l'héroïsme et la posture idéale. Le guerrier viking dans le mythe est à la fois dans la violence et à la fois dans l'incarnation de vertus qui sont des vertus de liberté et des vertus qui sont... assez loin de certaines autres caricatures. Il y a des caricatures de vikings tout entières dans la paillardise, dans la quasi-bestialité, mais ce n'est pas ça le mythe viking. Le mythe viking, c'est vraiment l'association de ce portrait idéal et de ses vertus guerrières. Et puis, on voit naître parmi les mythes la naissance de leur fameux bateau, les Drakkar. J'ai appris donc en lisant des ouvrages savants auxquels vous avez participé, en particulier le catalogue de l'exposition Dragons et Drakkar qui a eu lieu ici il y a quelques années, donc au musée de Normandie, qu'on ne doit plus dire Drakkar, que tout cela c'est une invention postérieure et qu'on n'a même pas la preuve que ces esnecs, c'est le véritable nom que l'on donne quand on est scientifique à ces bateaux, et puis un jour ou l'autre s'appelait Drakkar. Donc d'une certaine façon, on construit le mythe viking en construisant les objets qui vont le représenter, ces Drakkar qu'on trouve partout quand on est en Normandie, sur des menus de restaurants ou sur des affiches commerciales. Eh bien, ces Drakkar, en tous les cas, ils incarnent la Normandie, ils incarnent les vikings, mais ils ne portent pas ce nom. Alors la question du Drakkar, effectivement, elle fait totalement partie du mythe. puisque sur ce sujet des Vikings, les travaux des archéologues et des historiens sont considérables. Il y a eu beaucoup de publications et beaucoup de progrès dans ces recherches. C'est un des sujets les plus fructueux de l'histoire médiévale, puisqu'il nous pose toutes ces questions autour des contacts entre les civilisations. Mais pour le grand public, il n'est pas question de renoncer à un certain nombre de symboles. Et notamment, le drakkar, c'est important, puisque ça fait barbare. Hein. C'est le mot qui, dans sa consonance, nous fait savant. Dans le corpus du mythe viking, on a énormément d'élucubrations qui sont construites autour de cette idée de se représenter un nord tout à fait rêvé, et il faut donner à ces représentations un vocabulaire qui fait sérieux, qui fait savant. Donc drakkar, ça en fait partie. Drakkar, c'est une déformation d'un terme scandinave qui désigne a priori plutôt les proues des navires, les têtes de dragon, et qui a été assimilé pour désigner le bateau tout entier par erreur. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il fallait parler normalement, il faudrait parler de snekia ou quelque chose comme ça, ou de esnek. Évidemment, là aussi, la difficulté du chercheur, du savant, du conservateur en chef que vous êtes, c'est de faire passer dans le langage courant un nom qui n'est pas connu comme tel, et donc de remplacer le terme qui a été utilisé depuis maintenant plus d'un siècle et demi pour qualifier ces bateaux. Il faut bien partir de ce que les gens savent ou croient savoir. C'est aussi tout l'intérêt de ce travail sur l'histoire et ses représentations, l'histoire et le mythe, de confronter ce qu'on sait d'une histoire, de la façon dont les populations se l'approprient, se la représentent, pour quels usages. Il y a bien des usages qui ont été faits du mythe viking, y compris les plus sinistres, dans des développements qui vont vers le racisme. Mais c'est un phénomène tout à fait minoritaire dans cette histoire. Mais l'intérêt pour nous est effectivement d'expliquer aussi bien l'histoire, l'archéologie, que la façon dont les populations se la représentent, la façon dont on leur a apprise. C'est ça qui est en jeu. Comment est-ce qu'on apprend l'histoire aux écoliers, au grand public, et donc confronter ces idées fausses, les déconstruire, les ramener à leurs origines, et essayer de progresser vers une histoire plus proche de la réalité. Alors, si on avance dans le temps, vous nous avez raconté le 19e, le début du 20e, ces fêtes du millénaire donc normand en 1911, qui donc font courir beaucoup de monde en Normandie, servent aussi à la propagation commerciale de ces usages, de ces images-là. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, j'imagine, ou peut-être un peu avant, en tout cas, qu'on voit des vikings ou des drakkars sur des boîtes de camembert, qu'on voit des vikings ou des drakkars sur tous les produits normands. Et ensuite, évidemment, il y a un autre usage, vous l'avez évoqué, presque plus politique, évidemment, cet usage de cette force brute qui serait la force de ces peuples du Nord, qu'on voit se développer dans les années 30 avec des usages du côté du nazisme et donc de l'Europe allemande en l'occurrence. Et puis aussi après la Seconde Guerre mondiale, là aussi une référence qui va être récurrente, y compris en Normandie. Vous avez ici dans votre bibliothèque une collection qui a été rééditée d'ouvrages des années 50 qui s'appelle justement Viking, cahier de la jeunesse des pays normands. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet usage politique, plus politique, marqué assez à droite, voire à l'extrême droite parfois, de cette image viking ? Alors, autant ce qui se passe autour des fêtes du millénaire participe d'un régionalisme qui est un élément d'un patriotisme d'ensemble, autant il y a effectivement des groupes plutôt minoritaires qui vont plus loin dans la construction du régionalisme et développent un discours politique autour de l'idée de l'oppression qui est faite à la région, diminuée du fait qu'elle n'est plus une grande province, mais deux régions administratives, confrontée à la domination parisienne, donc qui est quelque chose qui est rejeté. Le risque de devenir une sorte de banlieue, lointaine banlieue de Paris. Et tous ces éléments amènent à remobiliser tous les savoirs qu'on peut avoir accumulés sur l'histoire de la région et son folklore, ses traditions, son patrimoine, à travers des travaux qui peuvent être des travaux tout à fait solides sur certains aspects, mais qui sont guidés par l'idée qu'il existe une réalité nordique en Normandie qui est basée sur une hérédité, sur la transmission biologique, donc depuis les Scandinaves. Certains calculent même le taux de sang scandinave dans le sang normand, par exemple, à 10 siècles d'écart, par exemple. Cette question-là, quelle est notre part de sang viking, est une question qui est posée sans arrêt. Même encore aujourd'hui, dans un questionnement tout à fait... dégagé de contexte ratio ou autre. La question est toujours où sont nos origines, quelle part de ces origines nous sont transmises. Alors, les revues qu'on vient de citer dans les années, qui étaient publiées dans les années 50 reprenaient quelques élucubrations scientifiques du 19e siècle, notamment l'idée de l'identification des populations par la mesure du crâne. Donc qu'on distingue... Dolichocéphale, brachiocéphale... C'est ça, les études qui ont été faites notamment lors des conseils de révision à la fin du 19e siècle pour la formation du service militaire, avaient amené certains médecins, le docteur Collignon par exemple, à classer les populations entre dolichocéphale, donc le crâne allongé, et brachycéphale, le crâne large. Et il s'agit d'accoler à ces pseudo-réalités biologiques, parce qu'il reste encore... à les fonder sur quelque chose de vraiment sérieux. Il s'agit d'accoler à ces pseudo-réalités biologiques des qualités intrinsèques. Mmh. Donc, les qualités de force, les qualités athlétiques, qui sont celles du grand viking blond, seront mises en valeur. Dans la première étude vraiment importante de folklore et d'ethnographie, qui s'appelle « La Normandie ancestrale », qui a été publiée en 1921, qui est de l'œuvre du docteur Stephen Chauvet, qui est un ouvrage toujours édité, toujours très utile sur les questions de costumes, sur l'étude des céramiques, sur l'étude du mobilier. Il y a une longue introduction sur le thème de la pureté de la race, personnage aux yeux bleus et aux cheveux blonds, le rejet du métissage, le sang nordique est le plus pur, là, on est le plus éloigné des grandes villes qui sont le lieu du métissage, donc qui est rejeté par définition. Et puis, ça ne dépasse pas cette introduction. Ensuite, l'ouvrage passe à tout à fait autre chose, qui est un catalogue fort bien construit de l'inventaire du folklore normand, comme si l'armoire normande avait quelque chose à voir avec la couleur des cheveux et des yeux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces élucubrations pseudo-scientifiques dont vous nous parlez, Jean-Marie Levesque, qui donc naissent à la fin du 19e siècle, mais qui perdurent tout au long du 20e, ces élucubrations finissent par entrer... dans une sorte de vulgate, entrer dans les manuels scolaires, par exemple, vous citiez dans Dragons et Dracars, enfin, un des participants de cette exposition et de ce catalogue, qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années, je crois, un peu plus de 10 ans même, citait un manuel des années 50, fin des années 40 même, qui disait « Ils étaient grands et blonds, comme tous les hommes du Nord, opposition aux Latins, qui sont en général petits et bruns. » Donc effectivement, c'est un peu réducteur comme... façon de voir, mais on voit bien que ça perdure jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, et que cela aussi, ces manuels-là, moi je les ai eus lorsque j'étais en classe dans les années 60, donc d'une certaine façon, ça a nourri là encore un imaginaire très fort. En fait, avec ces portraits effectivement exagérés, dont on peut s'étonner qu'ils soient encore faits après la Seconde Guerre mondiale, on pourrait quand même se poser la question d'un peu de prudence sur ce genre de propos après la Seconde Guerre mondiale, mais ces portraits ne font rien que reprendre les visions du XIXe siècle, ouais. Avec ces tableaux où le guerrier viking est forcément dans la posture héroïque, enlève des femmes de force, ses qualités athlétiques, ouais. La représentation de la force fait tout à fait partie de cette vision, mais ça fait partie d'un savoir commun, mais il ne faudrait pas pour autant réduire l'intérêt pour les Vikings à ces caricatures. Il y a bien autre chose là-dedans. j'ai pas à parler ici des progrès de la recherche historique, mais qui sont tout à fait considérables. Et effectivement, on ne renonce pas à cette idée qu'il doit bien y avoir quand même, puisque nous sommes normands, il doit bien y avoir quelque part, biologiquement, quelque chose qui nous rattache à ces Scandinaves. Alors, pour conclure cet entretien, Jean-Marie Levesque, on arrive bientôt au terme de cette discussion. Il faudrait se poser la question, on la posera demain avec d'autres entretiens avec d'autres historiens dans le documentaire de la Fabrique de l'Histoire, de la puissance de feu de cet imaginaire-là. Vous dites, évidemment, moi je n'ai rien à offrir au musée de Normandie à celui qui veut un drakkar et qui voudrait voir une épée à double tranchant, je n'ai pas grand-chose à lui donner sinon des représentations du 19e siècle, mais on l'a dit, ces représentations sont passées par la publicité, par les livres de classe, par les manuels scolaires, par les représentations cinématographiques d'Hollywood ou d'autres endroits, et par évidemment Astérix et d'autres moyens. Et au bout du compte, le chercheur, celui qui cherche sérieusement, qui doit démonter ces mythes, il a quand même beaucoup de mal. Le sujet lui-même, cette histoire des Vikings, qui fait l'objet de publications nombreuses et variées, rencontre un succès en lui-même à travers les publications scientifiques et de bonne vulgarisation. Il y a un public qui s'intéresse à ça, qui suit ses travaux. Les expositions qui sont faites rencontrent toujours également un succès. Mais qu'est-ce qui pénètre de ce discours scientifique dans l'imaginaire et le savoir et la connaissance de ceux qui viennent avec un tel bagage de mythographie et de mythologie? Moi, je serais tenté de dire qu'il ne faut pas surévaluer cette mythographie. Il y a eu des excès dans les années 50, notamment autour de ces idées. Mais aujourd'hui, ceux qui s'intéressent, si on peut prendre un exemple, ceux qui s'intéressent au sujet vont par exemple être les compagnies de reconstitution. Donc ce sont des gens qui se donnent pour loisir de se costumer en viking et de vivre pendant le temps d'un week-end ou le temps des vacances dans un contexte de reconstitution de villages vikings. Ces compagnies de reconstitution font un travail de documentation extrêmement précis et pointilleux. Et se base sur la recherche archéologique. On peut s'interroger sur les motivations, cette idée de l'immersion dans le passé. Mais les acteurs de ces compagnies ne sont plus du tout exclusivement dans le mythe guerrier. Bien entendu, les Vikings portent des épées, font la guerre, débarquent de bien bateaux. Sûr. Ça, on ne peut pas, pas enlever ça. Mais il y a un vrai travail d'archéologie expérimentale, de volonté de reconstituer des modes de vie, de vivre en immersion cette période. Peut-être là que ça peut poser problème. Qu'est-ce qui peut motiver à la recherche de cette immersion dans le passé. Mais en tout cas, c'est un travail qui, lui, utilise les acquis de la recherche historique, même si, évidemment, les historiens peuvent amener aussi à le critiquer dans son caractère un peu trop systématique. Merci en tout cas Jean-Marie Levesque de nous avoir accueillis ici au musée de Normandie à Caen, là où il y a une énorme documentation dans votre bureau sur ces questions des Vikings, là où vous avez organisé de nombreuses expositions autour de cette question viking et où on peut trouver effectivement autre chose que les Vikings dans cette longue histoire de la Normandie que vous racontez par toutes vos salles. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Bona Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son en Normandie à Caen a été assurée par Laurent César et la réalisation par Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion et puis également laisser vos commentaires sur nos pages. N'hésitez pas à le faire donc sur ces pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuons cette série sur les Vikings en nous intéressant aux traces archéologiques justement de ces Vikings en Normandie. Un documentaire de Perrine Kerbrand et Véronique Samouilov.